Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à tous, vous écoutez Radioactive et c'est l'heure du MAG, votre rendez-vous avec l'actu locale. Aujourd'hui, on s'intéresse à une mobilisation qui sort un peu des cadres habituels. La loi du plomb, c'est non, carnaval contre les pesticides et leur monde. C'est le nom de l'événement organisé ce dimanche 26 avril à Tours. Alors avant d'en parler, petit rappel qui ne fait pas de mal, la loi du plomb, c'est quoi ? C'est un texte qui vise notamment à assouplir les règles sur l'usage de certains pesticides en agriculture, avec l'objectif affiché de simplifier le travail des agriculteurs. Sauf que pour de nombreuses associations, syndicats et citoyens, cette loi pose problème. Elle est décriée pour favoriser l'industrialisation de l'alimentation, aggraver la pollution des sols, de l'eau, de l'air, et faire peser des risques sur la santé, avec notamment une inquiétude autour de cancers de plus en plus précoces. Une autre critique forte, celle d'un débat public qui serait confisqué par les lobbies de l'agro-industrie. En gros, les grosses entreprises de l'agro-industrie auraient beaucoup trop d'influence sur les décisions politiques. Résultat, un peu partout en France, eh bien, la contestation s'organise, et ici, en Touraine, elle prend une forme à la fois militante et festive. Ce dimanche 26 avril, trois cortèges vont converger vers la Loire dans une ambiance de carnaval revendicatif, et pour en parler aujourd'hui, deux regards complémentaires. Alexis Foissier, donc qui est bénévole référent forêt chez Greenpeace. Bonjour Alexis. Bonjour. Et Vincent Pinon, qui est membre du comité de la Confédération paysanne. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc alors pour commencer, je vous propose de vous exprimer tous les deux sur les raisons qui font que vous contestez cette loi. Alors Alexis, je vais me tourner vers toi. Pourquoi des organisations comme Greenpeace rejettent explicitement cette loi ? Bah, on rejette explicitement cette loi parce qu'il y a plusieurs volets dans cette loi du plomb, qui est maintenant la loi du plomb 2, qui risque en plus d'être intégrée dans la loi d'urgence agricole portée par M. Lecornu. Ce qu'on conteste, c'est outre les retours de néonicotinoïdes, comme l'acétamipride, dans les cultures noisettes, pommes et plusieurs d'autres céréales ou fruits. Il y a aussi le volet de l'eau, aussi pour lequel Greenpeace, depuis plus d'un an, a sorti un rapport qui s'appelle « Démocratie à sec » et aussi qui fait du plaidoyer auprès des communes pour que les communes se mouillent pour préserver l'eau. Voilà, ça manifeste avec des engagements sur lesquels les communes peuvent signer sur un ou plusieurs engagements. Il y a le volet aussi de l'élevage, voilà, en augmentant les seuils des ICPE. Et en plus, il y a la révision du rôle de l'OFB, il y a aussi la révision du rôle de l'ANSES. Donc voilà, c'est tous ces volets pour lesquels Greenpeace et d'autres associations sont, vent debout contre cette loi. De ton côté, Vincent, la Confédération paysanne s'oppose régulièrement à ce type de réforme agricole. Concrètement, en quoi la loi du plomb elle changerait le quotidien des paysans sur le terrain ? Eh bien, comme l'a dit Alexis, on va vers encore une industrialisation plus accrue de l'agriculture. Et évidemment, ce n'est pas l'agriculture qu'on défend à la Confédération paysanne, puisque c'est une agriculture paysanne que l'on défend. Voilà, c'est pour ça qu'on est aussi contre cette loi du plomb, qui, rappelons-le, l'année dernière a eu quand même plus de 2 millions de signatures pour contester cette loi. Cette loi, elle est promue par l'agro-industrie, parce que le sénateur Duplomb, c'est un agriculteur de Haute-Loire, mais extrêmement dans la mouvance, c'est un ancien président, je crois, de la FDSEA. Et c'est vraiment les lobbies de l'agro-industrie qui se manifestent là pour toujours plus produire. Ils sont dans ce vieux schéma là qui date des années 60 où il fallait produire à tout prix et à n'importe quel prix et n'importe comment des denrées alimentaires. Seulement, le contexte a extrêmement changé depuis. Il y a toute l'apparition des cancers, des maladies neurodégénératives qui touchent les paysans, qui touchent les riverains également. Toute la pollution de l'eau qui est extrêmement importante et qui coûte beaucoup aux consommateurs pour dépolluer l'eau, en grande partie, ce sont quand même les agriculteurs qui polluent cette eau par l'utilisation de nitrates, entre autres, et de pesticides. Et un des arguments de Duplon, c'est dire que dans d'autres pays européens, on utilise par exemple l'acétamipride, mais c'est pas parce que nos voisins font le pire qu'il faut s'aligner sur le pire. Voilà, c'est pour ça que nous, on est vent debout contre cette loi et que l'on va participer donc modestement dimanche au carnaval qui est organisé en Touraine. Alors Sandrine Larcher devait être avec nous, on la salue si elle nous écoute. Sandrine du réseau AMAP Touraine, qui est également soignante et bénévole Extinction Rébellion. On aurait pu avoir son éclairage justement sur le lien direct entre les pesticides, l'alimentation et la santé publique. Vous avez quelques éléments à nous donner là-dessus, l'un et l'autre? Bon, il y a de plus en plus d'études qui montrent que la santé est étroitement lié quand même à une alimentation de qualité, même si c'est pas démontré par A plus B, mais quand même toutes les études convergent vers le fait que quand on se nourrit avec une nourriture ou qui a été exempt de produits pesticides, et ben les gens sont en meilleure santé, quoi. Et aussi on s'aperçoit que tous les clusters là de cancer précoce là qui se développent, et ben c'est sont quand même très proches des zones où il y a une utilisation importante de pesticides, à commencer par les zones viticoles de France, là autour de La Rochelle, dans l'appellation Cognac, et aussi autour de Nantes, où c'est là des utilisations en maraîchage. Et vous pensez qu'il y a une chape de plomb, justement, sur ce sujet-là, parce qu'on nous cache des choses? Vous dites, c'est pas forcément avéré, mais il y a des rapports qui disent quand même ça, que effectivement, de manger du pesticide, forcément, c'est pas bon pour la santé. Et pourquoi est-ce qu'on le retrouve sur le marché, ce pesticide? Ah ben ça, c'est parce qu'il y a des études qui sont faites où la toxicité, on la minimise par certaines mesures pour que le pesticide soit mis sur le marché. Pour que ça passe, quoi. Pour que ça passe. Et puis c'est après, au bout de quelques années, qu'on s'aperçoit du danger du pesticide. Et aussi, le reproche que l'on fait à ces études-là, c'est que c'est des études partielles qui sont sur une molécule, mais l'effet cocktail qui est utilisé par les agriculteurs, ça c'est la bouteille à la mer, quoi. On ne sait pas du tout ce qui en résulte sur la santé des humains quand on additionne des fongicides, des herbicides, des insecticides, etc., quoi. Et si oui, je peux rajouter aussi, bon nombre d'études sont validées par les producteurs de produits chimiques eux-mêmes. Il y a peu d'instances qui vont regrouper ces études, les instances d'État ou des instances indépendantes qui vont justement bien vérifier, comme disait Vincent à l'instant, l'effet cocktail, parce qu'il n'y a pas que tel produit ou tel produit, mais c'est cet effet cocktail qui est très dangereux. C'est marrant parce que je fais le parallèle avec une chronique avec le FC Que Choisir qu'on a réalisé très récemment sur le cadmium. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais où le constat est le même, c'est-à-dire que ceux qui valident sont ceux qui vendent. Finalement, c'est jugé parti. C'est ça. Donc, vous avez décidé d'agir à votre niveau. Vous pensez que ce type de manifestation, enfin d'événement, comme vous allez le réaliser ce dimanche, a un réel impact vis-à-vis des politiques publiques et de ceux qui valident justement tout ça? Je ne sais pas si ça a un impact sur les politiques publiques, mais ça va avoir un impact, je pense, sur les citoyens, sur les consommateurs. Et plus les gens seront conscients du danger des pesticides, plus forte sera leur voix, quoi. Le parallèle qu'on peut faire là avec la loi du plomb et les pesticides, il y a la même, comme vous disiez, le chape de plomb, en fait, de méconnaissance, de lancer des informations fausses. On est dans la même démarche qu'il y a 40 ans vis-à-vis du tabac. Où il y a 40 ans, le tabac, non, c'était pas si mauvais que ça. Il n'y avait pas que ça qui faisait. Bon, maintenant, c'est avéré, personne ne va nier le fait que le tabagisme a un effet négatif sur la santé. Et on est exactement dans ce même rapport de force où les multinationales de l'agroalimentaire tiennent encore la publicité, tiennent les politiques à la gorge et imposent leurs lois. Voilà, et il faudra sans doute encore du temps pour que ça tombe, mais c'est pour ça que c'est important d'agir au quotidien à notre échelle. Peut-être que ceux qui validaient à l'époque les radios des poumons étaient les mêmes qui vendaient les paquets de cigarettes, alors... Ouais. C'est, voilà, on est dans le même schéma. On est dans le même schéma, oui. Ce que je voulais ajouter en complémentarité à ce que disait Vincent, c'est que bah oui, c'est alerter les citoyens, donner aussi un discours justement qui est citoyen, qui est dans la vie de tous les jours. Parce que quand même, on rappelle qu'il y a eu 2 143 000 signatures contre la loi Duplomb qui a été portée à l'Assemblée nationale. Donc c'est quelque chose qui a été un événement de société à l'été 2025 qui était très très important. Et on voulait aussi rappeler ça par ce carnaval. L'idée aussi était de rassembler toutes les collectifs, les associations, que ce soit les associations de santé, les centres sociaux, les ONG qui militent pour l'environnement. Donc voilà, il y a 13 associations qui portent ce carnaval. Et nous avons pour l'instant sur l'appel plus de 175 signataires de cet appel. Ce qui donne un bel espoir parce que on attend une sorte de révolution populaire quand même face à ce gouvernement qui nous impose tout un tas de choses sur lesquelles on n'est pas d'accord. On vote, les résultats des votes ne sont pas ce qui est appliqué. Tout est fait vraiment pour mettre de l'huile sur le feu. Est-ce qu'à un moment donné, ce type d'initiative-là, il va être entendu? Est-ce que cette grosse machine économique qui est en route, on va réussir à aller contre? C'est un discours assez utopique, mais ça ferait quand même beaucoup de bien. Oui, parce que dans tout cette... faut rappeler aussi dans cette démarche-là de l'agro-industrie cautionnée par l'État, il y a quand même un gros problème de démocratie dans tous ces votes, comme là on voit pour la loi Duplomb, où ça a été porté à l'Assemblée nationale. Donc ça a entraîné un débat, mais il a été reporté jusqu'en février là, 2026, alors que la loi Duplomb, on était à plus de 2 140 000 signataires en septembre ou octobre. Donc il y a un problème de démocratie, donc il y a des alliances au niveau du Parlement entre partis, des alliances politiques qui font que ça va en commission mixte paritaire. Les commissions mixtes paritaires ne sont pas forcément représentées. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas assez, il n'y a pas tous les partis politiques. Comme ça, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a pas de débat, quoi. Il n'y a pas de débat, ce qui fait que ça amène à voter en faveur de ces lois sous couvert d'intérêt général, pour que ce soit pour l'eau, pour les cultures, etc. Mais cette loi, à la base, qui est vendue comme étant une manière de faciliter... Faciliter la vie des agriculteurs. La simplification de la vie. Voilà. C'est complètement... C'est un leurre, c'est un élément de langage. Ça ne simplifie rien du tout. Si, ça simplifie le fait que c'est plus facile d'utiliser de l'acétamipride, par exemple, que de combiner différentes techniques culturelles pour se passer de cet insecticide. C'est justement la question que j'allais te poser, Vincent. C'est quoi les alternatives qui existent, qui sont faisables, qui sont réalisables et qui ne coûteraient pas autant de... Oui, bien sûr. L'acétamipride, c'est un insecticide qui est surtout utilisé en arboriculture fruitière, mais aussi en grande culture au niveau des betteraves à sucre et puis aussi des noisettes. Mais des travaux de l'INRA qui sont faits déjà depuis plusieurs années qui montrent qu'on peut se passer d'acétamipride et produire des betteraves et du sucre et des noisettes. Mais ça implique là tout un changement de politique agricole. Par exemple, dans le cas des noisettes, on sait très bien que des vergers avec des poules qui sont sous les vergers, qui mangent les vers là, qui sont incriminés dans la culture, ça a un effet positif et on n'utilise pas une matière pathogène, quoi. Seulement, c'est une autre forme d'agriculture, c'est une autre organisation. Et ça, c'est pas du tout dans le concept de l'agriculture productiviste. Une des raisons pour lesquelles elle s'est manifestée, elle s'est amplifiée, c'est qu'elle a spécialisé énormément les gens dans un type de production. Et ça va à l'encontre d'une agriculture paysanne, d'une agriculture écologique, d'une agriculture qui est source de maintien de la nature et de la bonne santé des gens qui vont manger ces produits-là, quoi. On a spécialisé l'agriculture pour qu'elle soit performante, pour l'objectif de l'agro-industrie, c'est d'exporter. Seulement, on exporte des produits et puis d'un autre côté, on importe la moitié de nos besoins en légumes et fruits, quoi. Parce qu'on a spécialisé les terres en grande culture pour exporter du blé, du maïs. Et au détriment d'une agriculture vivrière, même à notre échelle. Et en plus, cette agriculture industrielle démolit les agricultures vivrières là où nos produits sont exportés. Donc c'est vraiment...

Et aujourd'hui sur Radioactive, on s'intéresse à une mobilisation qui mêle revendications et ambiance festive, le carnaval, la loi du plomb, c'est non. Carnaval contre les pesticides et leur monde, organisé ce dimanche 26 avril à Tours, une initiative portée par plusieurs collectifs qui dénoncent une loi jugée inquiétante sur l'usage des pesticides et ses impacts sur la santé, mais aussi l'environnement et le modèle agricole. Pour en parler aujourd'hui, donc deux invités autour de cette table, Alexis Foissier, qui est référent forêt bénévole chez Greenpeace, et Vincent Pinon, membre du comité de la Confédération Paysanne. Encore merci à vous deux d'être avec nous. Nous, aujourd'hui, on salue également Sandrine Larcher qui devait être avec nous, mais voilà, petit contretemps. Donc, dans cette première partie d'émission, on a pu écouter vos ressentis. On va parler maintenant plus précisément du programme de ce carnaval engagé qui aura lieu ce dimanche et qui va démarrer par un cortège piéton au départ de la place de la Liberté. Et ce sera à 14h30. Alexis, Vincent, vous y serez ? Alors oui, moi j'y serai. Normalement, je serai dans le cortège piéton, mais avec un tracteur et une remorque pour conduire des gens qui ont des difficultés pour marcher, etc. Un petit peu un rôle de logistique aussi, un petit peu. Donc oui, normalement, on part à 14h30, place de la Liberté, et on doit se diriger vers l'île Simon, où les deux autres cortèges doivent se joindre à nous. Alors, quels sont-ils, ces deux autres cortèges ? Alors, il y a un deuxième cortège qui sera vélo-tracteur, qui partira de la gare de Saint-Marc-la-Pile à 14h30 pour converger vers le convoi piéton sur l'île Simon, comme ça a été dit à l'instant. Et en troisième point, un convoi bateau et canoë. Donc il y en aura deux, c'est-à-dire qu'il y en a un qui viendra de Laval de l'île Simon et un de Lamont, c'est-à-dire de Lamont de Roche-Corbon et de Laval de Bray-et-Mont. Voilà, tous convergeront justement pour un goûter qui attendra tout ce beau cortège. Et alors si on est cycliste, est-ce qu'on a une place aussi dans ces cortèges ? Eh bien oui. Si on est cycliste, on peut prendre le train à Tours direction Saint-Marc-la-Pile. Il y a un train, je ne sais plus, à 13h30 pour se rendre à Saint-Marc-la-Pile au départ, justement, qui est place de la gare de ce cortège tracto-vélo. Pourquoi vous avez choisi un carnaval comme forme de mobilisation ? C'est intéressant, puis c'est original. Bon, ça, c'est des émanations qui se font petit à petit, quand on réunit les gens, et voilà, il y a cette idée-là qui sort de plusieurs têtes, quoi. C'est pour créer un événement festif, parce que c'est tellement plombant, la loi du plomb, que faut quand même trouver autre chose, parce que sinon, on y va non pas avec un masque, mais avec notre mouchoir, quoi. Donc, voilà. Ouais, c'est vrai. Puis alors, il y a une dimension très visuelle parce que l'idée, c'est de proposer aux participants des costumes d'animaux, de fleurs, de soignants, de paysans. Voilà, l'idée, c'est que tout le monde joue le jeu. C'est ça. C'est ça, que tout le monde joue le jeu. Vu la diversité des collectifs, on peut voilà, se déguiser comme on le souhaite, ce qui nous tient à cœur dans nos revendications aussi personnelles et citoyennes. Voilà, l'idée, pour compléter... On utilise pas mal dans les associations l'intelligence collective. Voilà, il y avait un besoin de revendiquer ce refus de cette loi. Mmh. Et il y avait un besoin aussi que ça soit festif et revendicatif. Et puis ce qui en même temps permet aux personnes qui ne sont pas forcément militantes au quotidien, comme vous l'êtes très clairement, de pouvoir participer aussi. C'est ça, oui. C'est ouvert à tous. C'est ouvert à tous, oui. Et dans le côté carnaval, il y a le côté ubuesque aussi... où l'on peut se permettre des choses dans le cadre d'un carnaval qu'on ne peut pas se permettre dans la vie ordinaire de tous les jours, quoi. Comme une petite pancarte Macron démission, par exemple, ce genre de choses. C'est ça. Et puis, c'est aussi créer du lien. Oui. Créer du lien au niveau local et extra-local, parce qu'il y a des personnes qui viendront des départements voisins. Créer du lien sur ça pour qu'émergent aussi des solutions pour le monde agricole, pour le monde de la santé, pour le monde aussi associatif, qu'il y ait voilà, ces liens, qu'il y ait un rapprochement entre toutes ces personnes du cortège. Bah oui, parce que forcément, ça ouvre des portes. Hein. Si on défile à côté d'une AMAP, on se dit que voilà, on sait où on va pouvoir aller faire nos courses. C'est ça. Quelle suite si jamais la loi continue son parcours ? Qu'est-ce que vous allez faire ? Eh bien, un autre carnaval est prévu. Vous allez continuer à militer ? Ah oui, bien sûr, oui, on va pas s'arrêter là. On va pas s'arrêter là. Et justement, on espère de cet élan que ça soit un premier acte d'une dynamique. Une dynamique comme ça qui soit revendicative et festive avec aussi des arguments. Parce que toutes les associations là, qui portent cet appel ont des arguments solides sur la santé, sur l'environnement, sur la gestion de l'eau, sur l'élevage, etc. Tout ce qui concerne la loi du plomb et tous les impacts que ça a sur la société. Quoi. Est-ce qu'on a une liste exhaustive, Alexis, de justement tous les partenaires qui vont participer carnaval, à ces cortèges ? Est-ce qu'on peut les nommer ? Oui, les lanceurs de cet appel, ce carnaval, sont sur les belles affiches qui ont été réalisées. C'est vrai qu'elles sont très belles. Ouais. Bravo pour ce travail. Non, mais c'est vrai, elle est très belle. Alors, très belle com. Ouais, mais les personnes qui ont travaillé dessus, chapeau. Donc il y a les AMAP de Touraine, régionale, les Amis de la Confédération Paysanne, il y a l'association Cancer Colère, il y a la Confédération Paysanne, Extinction Rébellion, le GAPTO, il y a aussi donc, le Greenpeace Tour, des associations sociales aussi, comme les associations Naya, les collectifs pluriels, l'association Que Choisir aussi, le syndicat solidaire et les soulèvements. Très bien. Eh ben, bravo à tous, en tout cas, même tous ceux qui ne sont pas présents dans le studio aujourd'hui, mais qui nous écoutent. Parce que ce carnaval, il va avoir pour but d'alerter, de rassembler et puis surtout d'interpeller. Donc bravo pour ce rendez-vous que vous proposez. On rappelle que ça commencera à Tours à 14h30 le 26 avril. Le rendez-vous, c'est Place de la Liberté à 14h30. C'est ça, voilà. Et puis il y a un site pour tout complément d'information. Il y a le site internet byebyepesticide37.fr. Le clou de la soirée, ce sera justement quand il y a la réunion des trois cortèges sur l'île Simon, où il y aura un moment aussi un peu festif, de pouvoir prendre un goûter, et, je pense un peu de musique, enfin, et aussi un temps de parole où les gens pourront s'exprimer, et puis aussi le lien pourra se faire entre les personnes, quoi. C'est ça, et plein d'autres surprises. Ouais, ben, je parie qu'il y aura une concentration de gens très très bien. Ben, en tout cas, merci encore une fois, bravo pour ce pari, cette mobilisation organisée ce dimanche 26 avril à Tours. Trois cortèges, une arrivée commune vers la Loire et un mot d'ordre, défendre le vivant et dire non à la loi du plomb. Merci à tous les deux d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ce mag que vous pourrez réécouter en podcast et notamment sur notre page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Et alors on va se quitter avec un autre titre assez parlant dont l'ironie fait mouche. C'est Nikon, la planète, HK et les saltimbanques. Ah. De télé, je les vois me raconter des salades. Disent que la Terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entreturaient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Amen. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Niquons la planète. Et tant qu'à faire, faisons bien. Faisons pas les choses à moitié. Vu de façon